Quelques flocons de probable pour les prochaines heures sur la Nausière. Un dégagement au courant de la nuit, minimum de moins 8 à moins 3 degrés. Généralement ensoleillé, jeudi, maximum de moins 1 à 0. Et de la neige, vendredi, maximum de moins 2 à 1 degré. CFNJ 99 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Yeah. much time. 'Cause at 5 o'clock they took me to the gallows pole. The sands of time for me are running low. Running low. Et bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. De partout dans le monde, Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 3 février 2021. Très content, comme toujours, de vous retrouver ce soir en cette 11e édition du fameux Radio Pirate Méloman. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et pour ceux qui savent pas, ben les radios pirates, c'est un moment où, à l'instar des bateaux qui allaient jadis émettre en eau internationale pour corrompre la jeunesse et faire jouer du matériel à l'index, un moment où nous aussi, à Méloman, on s'en permet un peu plus qu'à l'habitude. Et contrairement à l'habitude, et comme vous l'avez peut-être déjà vu sur le groupe Facebook Méloman cette semaine, eh bien, l'émission de ce soir est entièrement consacrée à une histoire non officielle du métal, au grand plaisir des uns et au grand dam des autres. Parce que, je vous le dis, avertissement en bonne et due forme, ça risque de gratter les oreilles pas à peu près par moment ce soir. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Mais, sur ce, vous vous êtes déjà probablement rendu compte, comme en témoignait notre premier bloc, au travers duquel on est passé, qu'on avait affaire ici à plus ou moins un petit résumé très rapide des tout débuts de l'histoire du métal. On y a été de manière passablement chronologique pour commencer. Ça va rester pas mal comme ça toute la soirée, à quelques exceptions près où on va bifurquer un peu, ne serait-ce que pour des raisons purement esthétiques du mix. Et là, ben pour faire changement un peu, on va y aller à partir du début du bloc pour ce qui est de la description de ce qu'on a entendu, contrairement à l'habitude, où on remonte de chanson à chanson. Ça va nous permettre de tracer un arc du temps pour l'histoire du métal, surtout pour le premier bloc. Donc, juste après la météo de Nico, ben il n'y a pas de mystère. On a commencé ça comme il se doit avec les grands-pères du métal par excellence. Les originateurs en personne, exploiteurs du triton, intervalle du diable, diabolus in musica. Un intervalle, c'est l'espace qu'il y a entre deux notes. Et cet espace-là, qui se réfère souvent à la carte augmentée, était considéré comme dangereux, comme démoniaque, au temps médiévaux. Et c'est pour ça que Black Sabbath en a savamment fait usage sur la première piste de leur premier long jeu en 1970. Black Sabbath, The Black Sabbath, sur l'album, je vous le donne en mille, Black Sabbath. Tony Iommi, Bill Ward, Geezer Butler et John Ozzy Osbourne qui vont, longue histoire courte, tout d'abord former un groupe de blues du nom de Earth en 1968. Et déjà, je pense que c'est intéressant de souligner le lien direct qu'il y a entre le métal et le blues. Et on peut pas faire autrement, Black Sabbath en sont les parrains et Black Sabbath a commencé son histoire comme un groupe de blues. Et donc après quelques changements dans le personnel, le soudain départ du guitariste Tony Iommi pour faire brièvement partie de Jethro Tull à leur tout début. D'ailleurs, si ça vous tente de voir ça, je vous encourage à visionner le fameux Rock'n'Roll Circus Show des Rolling Stones où on peut voir parmi les groupes invités la seule apparition jamais filmée de Tony Iommi au sein de Jethro Tull qui faisait juste commencer à ce moment-là. Mais bref, ils vont revenir dans Earth qui vont continuer à faire des shows. Mais en 1969, ils vont se rendre compte qu'ils n'arrêtent pas de se faire confondre avec un autre groupe de l'époque qui s'appelait aussi Earth. Un groupe de blues en plus. Et là, un bon soir, ils vont voir de l'autre côté de la rue, au cinéma juste en face de leur local de pratique, le nom du film à l'affiche. Le nom du film, c'était Black Sabbath de Boris Karloff, paru en 1963. Il en faudra pas plus pour que le groupe adopte ce nom-là et soit inspiré à composer la chanson du même nom qu'on a entendu ce soir, qui fait bon usage du triton dont on parlait tantôt, pour, en fin de compte, essayer de rendre en musique la même atmosphère terrifiante qu'on pouvait retrouver dans un film d'horreur. Et pas besoin de vous dire que quand Black Sabbath va faire cette chanson-là parmi son set de blues, ben ça va beaucoup faire tourner les têtes. Une chanson qui était complètement à contre-courant dans le monde du Flower Power. Rob Halford avait d'ailleurs dit à l'époque que c'était probablement la chanson la plus diabolique jamais enregistrée. Et c'est qui ça, Rob Halford? Eh bien, c'est le chanteur opératique de Judas Priest qu'on a entendu juste après et qui arrivait à point parce que Priest est probablement un des groupes à qui on peut le plus attribuer le terme de heavy metal. Donc, heavy metal pur et dur, bien avant qu'il y ait une myriade de déclinaisons comme aujourd'hui dans le monde du métal. Dans Black Sabbath, on pouvait retrouver presque tout ce qui allait venir dans le métal, beaucoup de stoner et de doom metal, et encore beaucoup d'influences du blues, tandis que chez Judas Priest, on va pratiquement s'émanciper du blues pour garder seulement la vélocité et la gloire métallique du genre qu'on va appeler tout simplement heavy metal. Et Judas Priest, on les a entendus tôt en carrière avec Dissident Aggressor de leur album Sin After Sin de 1977, une chanson que Slayer va plus tard se faire un plaisir de reprendre. Mais on n'est pas rendu là, parce que juste après, on est rentré en territoire du New Wave of British Heavy Metal avec un groupe complètement unique qui va, lui, emprunter la vélocité du punk qui vient de naître en Angleterre pour tranquillement nous amener vers ce qu'on va plus tard appeler le speed metal, ancêtre direct du thrash metal. Un groupe qu'on appelle, bien sûr, Motorhead, avec ce cher Lemmy Kilmister, décédé en 2015, figure emblématique du métal, presque une mascotte du genre. Motorhead, un des rares groupes de l'époque que les métalleux autant que les punks aimaient et qu'on a entendu ici avec leur classique Overkill de 1979, qui était suivi toujours en plein New Wave of British Heavy Metal, le groupe Diamondhead, qui va avoir une très grosse influence sur Metallica, entre autres, qui vont d'ailleurs reprendre quelques-unes de leurs chansons, dont la fameuse Am I Evil, qu'on a entendue ici en version originale de 1980. Et bien sûr, tout ça s'est conclu avec un des groupes de heavy metal pur et dur les plus populaires de tous les temps, toujours issus de la même vague britannique, mais qui vont connaître un succès considérablement plus grand que la plupart de leurs pairs. On a entendu en 1982 Iron Maiden avec Hallowed Be Thy Name, tiré leur album The Number of the Beast, qui va créer tout un tollé à l'époque, surtout la très marquante pochette peinte par Derek Riggs, l'homme derrière la fameuse mascotte de Maiden, Eddie, qu'on voit sur tous les albums, toute la marchandise du groupe depuis toujours. Et bien, la pochette va créer effectivement une controverse, sans surprise, surtout aux États-Unis, une pochette où on voit Eddie qui contrôle le diable comme une marionnette qui lui-même contrôle un Eddie plus petit, en sous-entendant qui contrôle qui. Pochette inspirée, soit dit en passant, par un comic de Doctor Strange de Marvel. Le titre de l'album aussi a choqué, on peut comprendre pourquoi, ça abordait quand même des thèmes sensibles pour quelqu'un de très croyant, mais bon, en même temps, on s'entend que c'était pas la première ni la dernière fois que certains Américains allaient crier au scandale pour de la musique, particulièrement le métal. C'est arrivé à Judas Priest, etc., etc., à beaucoup depuis ce temps-là. Mais pour ce qui est de Maiden, ben, ils vont se créer un son bien à eux avec la basse galopante de Steve Harris, fondateur du groupe, les Twin Guitar Attacks, deux guitares. En harmonie aussi, chose qu'on peut entendre aussi dans du Priest, mais qui nous viennent probablement plus de groupes comme les excellents Thin Lizzy, groupe irlandais, et beaucoup aussi le groupe Wishbone Ash, qui, si je ne m'abuse, a grandement influencé Steve Harris. D'ailleurs, je vous encourage à découvrir l'album Argus de 1972 du groupe Wishbone Ash si vous voulez découvrir une des inspirations de Maiden. Mais là, on est loin d'être au bout de nos peines, je vous le dis. Parce que ce soir, c'est la punition mélomane métal. Tout ça au 99.1, 88.9, CFNJ. 89.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. We'll be right back. Power among the living, follow me or die. Quelques flocons de probables pour les prochaines heures sur la Nausière. Un dégagement au courant de la nuit, minimum de moins 8 à moins 3 degrés. Généralement ensoleillé, jeudi, maximum de moins 1 à 0. Et de la neige, vendredi, maximum de moins 2 à 1 degré. CFNJ 89.1. Et c'est à Méloman que ça se passe ce soir en pleine 11e édition du fameux Radio Pirate Méloman, entièrement consacré au métal pour une toute première fois à l'émission. Et oui, ça écorche les oreilles ce soir. On se le cachera pas. C'est pas pour tout le monde. Très conscient de ça. Il y en a qui vont couper ça assez vite, si c'est pas déjà fait, sûrement. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont être ravis, vont être au septième ciel, parce que c'est peut-être une des premières fois qu'il y a du gros métal sur les ondes de CFNJ depuis Feu Décibel Rock, animé jadis par Chantal Lemire. Pour ceux qui s'en souviennent, une émission qui avait connu un énorme succès ici à la station pour plein de fans de métal. Donc, si vous trouvez que c'est trop élevé ce soir, gardez ça à l'esprit, ça a déjà existé. Puis de toute façon, vous le savez, à Méloman, on explore toutes sortes d'horizons musicales. La semaine passée, on était dans les années 60 et la semaine prochaine, on sera complètement ailleurs. Donc, c'est peut-être juste un mauvais moment passé pour vous ou un très bon moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certainement assez de fans de métal au Québec pour qu'on parle du phénomène un peu. Et nous, ben, on revient d'un magnifique bloc qui s'est terminé glorieusement avec ceux qu'on va appeler avec raison le Big Four du trash metal. Tout d'abord, qu'est-ce que le trash metal? Eh bien, on a effleuré le sujet tantôt avec Motorhead qui nous amenait tranquillement en territoire speed metal, le nom qu'on va donner à l'ancêtre direct du trash metal. Grosso modo, on pourrait vulgariser ça en disant qu'il y a eu une époque où les gros méchants de la musique, c'était les groupes de metal. Époque où c'est entre autres ceux de la fameuse nouvelle vague du métal britannique qu'on a survolé un peu dans notre premier bloc. Et là, ben, tout à coup, vers les 1977 en Angleterre, va arriver une gang de petits bums qui sont encore plus menaçants. Ils ont les cheveux de toutes sortes de couleurs, des manteaux avec des studs, ils jouent de la musique rapide, violente, avec souvent juste deux, trois accords, ils sont baveux, ils sont contre l'ordre établi. Ils ont peur de rien. Ils suivent la reine d'Angleterre en bateau comme des petits fanfarons en chantant « God save the Queen » en arguant la monarchie en personne. Bref, il n'y a rien à leur épreuve. Et, vous l'aurez probablement deviné, ce nouveau mouvement-là, on va appeler ça le punk. Un mouvement qui va même, dans les débuts 80, aux États-Unis comme en Angleterre, devenir encore plus menaçant et plus rapide. On va appeler ça le « hardcore punk ». Le problème, c'est que les métalleux l'ont pas vu venir, ça, là. C'était supposé être eux les plus menaçants. Et là, tout d'un coup, des petits bums qui savent à peine jouer leur instrument leur damnent le pion à leur propre jeu. Et ça les fait avoir l'air de vieux grands-pères avec une musique révolue. Bon, je prends des raccourcis, je vulgarise un peu ici, mais grosso modo, la nouvelle génération de musiciens qui s'intéressent au métal vont comprendre le message. Et ils vont décider d'emprunter la vélocité du punk hardcore et de la juxtaposer à la précision d'exécution du métal. Et ils vont ramener les thèmes chers au métal dans toute cette équation-là aussi. Eh bien, c'est plus ou moins comme ça que va naître le thrash metal, un des sous-genres qui a été un des plus populaires dans le fabuleux monde du métal. Et dans ce genre-là, ben, il y a quatre groupes qui vont beaucoup se démarquer, qui nous proviennent principalement de Californie, qui vont devenir ce qu'on va appeler le Big Four, dont faisait partie Megadeth, groupe de Dave Mustaine, qui a fait partie de Metallica à ses tout débuts, qui va se faire mettre dehors, mais pour finalement fonder son propre groupe Megadeth, qu'on a entendu avec Wake Up Dead d'un album de 1986, qu'on considère souvent comme un des plus importants de l'histoire du trash, c'est-à-dire Peace Sells, But Who's Buying. En fait, 1986, c'est une année à retenir pour le trash. C'est l'année millésime, probablement l'année la plus importante pour le genre, parce que c'est cette année-là qu'on va voir paraître des albums hyper importants, comme le sous-mentionné Peace Sells de Megadeth, bien sûr Master of Puppets de Metallica, probablement l'album de trash le plus important de l'histoire de la musique, Aussi, il va y avoir le groupe Anthrax, qui eux viennent de New York et qui vont sortir juste un petit peu plus tard, début 87, Among the Living. Et il va y avoir un groupe notoire qui, eux, vont amener le trash metal à son extrême, autant dans les thèmes que dans l'agression et la vitesse, tellement qu'ils vont presque à eux seuls engendrer les vagues de metal extrême qui allaient suivre, à savoir le death metal et le black metal. Et ce groupe-là, ben, on l'a entendu juste avant Megadeth, il s'agissait de Slayer, qui vont sortir toujours en 86 un album légendaire du nom de Ring in Blood, duquel on a entendu la pièce de fermeture Raining Blood, un album qui se voulait une agression sans merci d'à peu près une demi-heure. Et sinon, ben, juste avant Slayer, on a entendu qui d'autre que les maîtres Metallica à leur tout début avec Metal Militia de leur premier album Kill 'Em All de 1983. Metallica qui, faut pas l'oublier, est le groupe, quoi qu'on en pense, qui est le porte-étendard, la figure de proue, l'ambassadeur mondial incontesté du thrash metal. Chose qui était précédée ici, comme vous avez pu le deviner, d'Anthrax avec Among the Living, pièce-titre de l'album dont on vient de parler, 1987. Et sinon, ben le Big Four qui lui-même était précédé d'un groupe qui va être cité comme étant une influence formatrice du thrash, justement, on a entendu en 1984, le groupe Metal Church avec Beyond the Black, pièce qui ouvrait leur premier album homonyme et qui suivait ici un groupe suisse, cette fois-ci, Celtic Frost, né des cendres de leur première formation qui s'appelait Hellhammer et qui vont donner dans le trash, mais qui, fidèles à leurs origines européennes, vont tranquillement donner naissance à un style qu'on va appeler le black metal. Première vague, s'il vous plaît, un terme qu'on va voir apparaître pour la première fois sur une pochette du groupe britannique Venom et dont l'esthétique sonore et visuelle va être peaufinée par des formations comme Bathory de Suède. C'est d'ailleurs là qu'on va beaucoup voir les Scandinaves se pointer le bout du nez sur la scène métal. Et Celtic Frost en Suisse, qu'on a entendu ici, sur le tout premier album, leur tout premier album, Morbid Tales, avec Procreation of the Wicked de 1984. Le tout, précédé la même année par la formation Trouble, qui eux vont plus s'adonner au plaisir du doom metal, un style directement influencé par la toute première pièce de Black Sabbath qu'on a entendue ce soir. Très lourd, beaucoup plus lent que le thrash, plus sombre aussi. Un style dont les figures de proue vont être beaucoup des groupes comme Candlemass, Saint Vitus et Trouble, qu'on a entendu ici avec The Tempter de l'album Psalm 9. Et là, on pourrait parler longtemps de toutes les déclinaisons qui existent dans le métal, le son de chaque pays, comme le thrash, qui lui-même mute dépendamment de sa provenance. Il suffit de penser au Big Four allemand. Le Teutonic Trash de groupes comme Creator et Destruction. Mais il y a un pays qu'on n'avait pas vu venir. Un pays qu'on associait plus à la samba, à la bossa nova. Mais un groupe qui va surgir de là, qui va tout d'abord faire un peu dans le black metal avec un autre groupe qui s'appelait Sarcophago et qui tout à coup va devenir une grosse pointure du trash. On écoute un groupe du Brésil, Sepultura, nous sommes Mélomanes en 99-88-9, CFNJ. Hey!

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Yeah, man. Et toujours à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9, Mathieu Lajoie à l'appareil. Qui vous dit, qui vous avait prévenu que ça grattait les oreilles ce soir en ce spécial entièrement consacré au métal? Quand on dit c'est un spécial métal à Méloman, c'est un spécial métal. Et ce, pour une toute première fois à l'émission. On a commencé l'émission avec les originateurs du métal pour voyager tranquillement vers le heavy metal pur, pour ensuite explorer les débuts du thrash, pour y aller ensuite franchement dans le thrash lui-même, tout en effleurant des styles comme le doom et les premiers balbutiements du black metal. Et là, ben, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé tantôt de Slayer qui, avec beaucoup plus leur album Ring and Blood en 1986, avait amené le thrash pas mal à son extrême, pavant ainsi la voie à tout ce qui allait s'appeler black metal et death metal. Et ironiquement, si le thrash est né en Californie, eh bien le death, lui, est né dans les contrées ensoleillées, imaginez-vous, de la Floride. Et ce, même si on s'attendrait à une provenance considérablement plus sombre. Eh bien non. Mais il y a tout d'abord un groupe, toujours de Californie, qui va servir de chaînon manquant entre le thrash et le death metal, un groupe du nom de Possessed, qui va sortir un album du nom de Seven Churches en 1985, qu'on va souvent citer comme étant l'ancêtre direct du death metal. Mais c'est plus souvent à un groupe de Floride que revient la paternité du death metal comme tel, un groupe mené de main de maître par le grand Chuck Schuldiner qui va s'appeler tout simplement Death. Un groupe qui va tout d'abord y aller d'un style plus cru qu'on va appeler plus tard le Brutal Death pour ensuite sortir en 91, entouré de musiciens virtuoses, un album exceptionnel du nom de Human, un album qui va donner naissance au sous-genre qu'on va appeler le Death Technique, qui est caractérisé par une précision musicale jamais vue à l'époque. Et c'est dans cette période-là qu'on était entendre Death avec Lack of Comprehension, toujours de Human en 91, qui suivait ici un groupe qui a pas mal sauvé la face du métal à un moment où la vague grunge rasait tout sur son passage, le thrash comme le glam, comme à peu près tous les genres populaires à l'époque, un groupe de qui on va dire qui font du groove metal, une espèce de déclinaison du thrash version 2.0, mais surtout un groupe qui va connaître un énorme succès commercial, chose qui reste comme somme toute assez peu commune dans le monde du métal. Et ce groupe-là, ben c'était Pantera, fondé par Vinnie Paul Abbott, batteur, et son frère, le regretté guitariste Dimebag Darrell, qui va malheureusement se faire assassiner froidement sur scène par un fan dérangé, et ce, devant son frère totalement impuissant, le 8 décembre 2004, même jour et même mois que John Lennon, soit dit en passant. Vive les États-Unis, que voulez-vous? Mais, bref, Pantera, un groupe hyper influent qu'on a entendu avec Domination en 1990, juste après Nuclear Assault, un groupe de thrash de la côte est américaine qui va émerger aux côtés de formations comme Overkill et Anthrax, de qui on a parlé tantôt. Et on les a entendus avec leur classique Critical Mass en 1989, juste après un groupe canadien, cette fois-ci d'Ontario, Sacrifice, qu'on a entendu avec Reanimation de 1987. Et Sacrifice, eux, faisaient partie de ce qu'on va parfois appeler le Big Four canadien aux côtés de Razor, qu'on a écouté à l'émission il n'y a pas si longtemps, Annihilator et notre band à nous, de Jonquière, nos ambassadeurs, mondiaux, Voivode, qu'on a entendu juste avant avec leur style complètement unique. Et je m'excuse, il y a un petit problème de mix live qui s'est produit. Honte à moi, j'étais vraiment fâché de ça. Un groupe, Voivode, moitié prog, moitié sci-fi, trash metal, leur image complètement unique. Denis Piggy d'Amour qui va beaucoup incorporer ses influences prog à la Robert Fripp de King Crimson dans le métal, complètement révolutionnaire et unique à l'époque. Ça va influencer des légions de groupes qui allaient s'adonner au métal progressif dans les décennies qui allaient suivre. Ils vont aussi se faire connaître et se faire respecter partout autour de la planète. Si vous voulez mon humble avis, ben Voivode, c'est la personnification même du nul n'est prophète en son pays, un peu comme un Félix Leclerc qui a dû aller se faire reconnaître en France pour qu'on daigne l'écouter ici au Québec, ou même un Jimi Hendrix qui doit aller en Angleterre pour faire reconnaître son incroyable talent. Mais Voivode, c'est encore pire parce que c'est du métal. Grosse musique méchante, mal aimée. Et pourtant, à une époque où une jeune Céline Dion gagnait à toutes les années le Félix de l'artiste étant le plus représenté hors Québec, mais jamais une mention d'aucune sorte pour Voivode. Heureusement, ils ont connu toute une renaissance dans les dernières années lors de la Dan Mongrain era, gagnant au Juno, cité dans Rolling Stone Magazine et compagnie. Mais ça aura malheureusement pris pas loin de 35 ans pour avoir une reconnaissance digne de ce nom. Et pourtant, c'est un groupe couramment cité par des membres de Metallica, de Nirvana, etc. Bref. Allez savoir. Mais l'important, c'est que nous, on n'a pas passé à côté ce soir. On a entendu Experiment, un golden classic de Voivode d'époque, dimension atroce, un magnifique album de 1988. Et tout ça, comme on avait dit, amorcé par Sepultura, groupe brésilien, assez tôt dans leur carrière avec Troops of Doom de l'album Schizophrenia de 1987. Mais c'est pas tout ça. On est bon pour un petit dernier bloc qui débute comme suit. Au 99.1, 88.9, CFNJ. We'll Come out there. far as the eye can see. I reign this place alone. Cold winds blew into the valley hall. No one's even there. Et toujours un Méloman Metal ce soir sur les ondes de CFNJ 89.1, 88.9, de retour de ce qui va s'avérer être notre dernier bloc de la soirée. Mais, comme toujours, petit tour d'horizon avant de se quitter, une petite incursion dans la fameuse et notoire seconde vague du True Norwegian Black Metal. Black Metal norvégien, trop souvent connu pour des raisons assez macabres. Merci, on se lancera pas là-dedans ce soir. Mais on va quand même prendre le temps de dire qu'on a entendu un groupe un petit peu moins méchant que certains, qui s'appelle Immortal, et qu'on a entendu en 1997 avec la très épique Mountains of Might, qui suivait cette fois-ci de Suède, dans un genre qu'on va appeler le death metal mélodique suédois. On a entendu un gros classique, At the Gates, qui sont pas mal reconnus pour, comme étant les pères du genre avec Blinded by Fear de 1995. Et sinon, quelque chose de très méchant qui nous provenait d'Allemagne, le Teutonic Trash dont on a parlé brièvement tantôt, mais qui frisait dangereusement vers le monde obscur du black metal. Première vague, on a entendu le groupe Sodom avec un extrait de leur tout premier mini-album, Burst Common Till War, en 1985. Et sinon, on a fait aussi un détour vers le Danemark avec le Heavy Metal rencontre le Trash, rencontre le Black, The Merciful Fate, groupe européen très influent, à l'imagerie très occulte pour l'époque. Et que dire du frontman à la voix, aux multi-octaves, moitié Kiss, moitié Alice Cooper, King Diamond, qui va par la suite avoir une carrière solo très prolifique. Mais c'est là, avec son groupe Merciful Fate, c'est avec son groupe Merciful Fate qu'on a entendu, avec le classique Evil de 1983. Tout ça après, pourquoi pas, ce cher Ozzy, qui lui aussi va connaître une carrière très prolifique après son groupe Black Sabbath. On l'a entendu avec Over the Mountain en 1981. N'ayez crainte, ça va être complètement autre chose. Fidèle à nos habitudes, mercredi prochain, dès 20h, pour un autre Méloman. On vous souhaite une excellente semaine en 99 ans et 88.9 CFNJ. We'll be right back. I could see I'm going blind. I could see I'm going blind.